Hypersensible, la fiction. Aujourd'hui, Valérie Solanas, Tailler les hommes en pièces. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Julien Barazer, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un acte fou, désespéré. Celui d'une femme, Valérie Solanas, américaine, qui tente d'assassiner l'artiste iconique Andy Warhol. Valérie Solanas incarne tout et son contraire. Une femme intelligente et folle, prostituée et féministe, intellectuelle et clocharde. « Souvenez-vous que je suis la seule femme ici qui ne soit pas folle », répétait-elle à l'envi. Dans sa biographie imaginaire, intitulée « La faculté des rêves », Sarah Strindberg, romancière suédoise, la décrit comme la première pute intellectuelle d'Amérique. Et elle écrit « Pour l'état civil, elle est née en avril 1936 et meurt en avril 1988 à San Francisco. Entre les deux, peu d'activités légales et rémunérées déclarées. Bref, une marginale. Pour la police, c'est une pute toxico, une barge qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique, une autolarde incarcérée 2 ans. Pour la légende, elle restera une intellectuelle féministe américaine connue pour son pamphlet Scum Manifesto et qui s'illustra en essayant de tuer l'artiste Andy Warhol. Pour moi, ajoute Sarah Strindberg, elle est la sœur imaginaire de Marilyn Monroe, moins sexy, mais plus finaude. L'autre personnage de la fiction, Andy Warhol, artiste connu et reconnu, est né en 1928, mort en 1987. C'est à New York qu'il devint peintre, sculpteur, photographe, cinéaste, romancier, dramaturge, acteur et mannequin, producteur d'un groupe de rock et directeur de magazine, une sorte de Léonard de Vinci de la culture moderne. Il était, comme le décrit Myriam Korishi dans sa biographie, un vrai rebelle, génial, inventif, underground et postmoderne, un créateur exigeant et fragile. Alors, pourquoi Solanas a-t-elle voulu tuer Andy Warhol ce 3 juin 1968? Que représentait l'artiste de si incontournable et de si indépassable pour que Valérie Solanas décide de sortir son revolver et de lui tirer dessus 3 balles? Et que délivre-t-elle vraiment dans son livre « Scum Manifesto » Brûlot écrit en 1967, mais édité en 1968, qui en appelait à la castration masculine et un monde exclusivement féminin? Doit-on lire ce manifeste écrit quelques mois plus tôt à l'aune de son acte fou? Après la fiction, pour aller plus loin dans la compréhension et l'exploration de ces deux univers parallèles, étranges et excessifs, de Valérie Solanas et Andy Warhol, nous recevons Jacqueline Co, psychanalyste, écrivain, cinéaste, qui a collaboré à l'ouvrage collectif intitulé « Andy Warhol, géant » et à l'émission « Décibel Andy Warhol » sur France Culture. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Valérie Solanas, Tailler les hommes en pièces, de Julien Barazer. Une réalisation de Michel Sidorov. Allô? Allô, Jim? C'est Sam. Sam, quel plaisir de t'entendre. Il est 11h23, la conférence de rédaction était comme tous les jours à 7h. Et j'essaie de te joindre depuis 6h. Je sais. Je viens juste d'avoir tes messages, désolé. J'ai une nuit compliquée. Mon pauvre, encore une. Sam, je vais raccrocher. Au risque de te paraître insensible, je n'ai pas le temps pour écouter tes petits problèmes d'insomnie. J'ai un journal à faire tourner. Non, ne raccroche pas. Andy Warhol est mort ce matin. Tout le monde est sur le pont. Enfin, tout le monde, sauf toi. Andy Warhol est mort ? Crise cardiaque. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, on travaille dessus. Tu découvriras l'article demain matin. Enfin, disons, à l'heure où tu daigneras te lever. Et à propos, pas la peine de revenir chercher tes affaires. Je les envoie par coursier. Non, Jim, attends. Je sais, je déconne pas mal en ce moment. Mais j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Un truc énorme. L'article de l'année. Si j'avais reçu $1 chaque fois que j'ai entendu ça, je serais millionnaire à l'heure qu'il est, mon garçon. Valérie Solanas. Quoi? Non, pas quoi, qui? Solanas, Valérie, celle qui a tiré sur Andy Warhol en 68. Elle vit ici, à San Francisco. Elle loge au Bristol. L'hôtel de passe de Mason Street? Je ne veux même pas savoir comment tu as eu cette info. D'ici ce soir, je te promets son interview et un portrait. Aucun autre journal ne l'aura. Mais si tu préfères que j'aille proposer l'article Chronicle ou... Ok, ok, très bien. Ça m'intéresse. Mais je te préviens, Sam, si jamais tu me plantes encore sur ce coup-là, ne prends même pas la peine de rappeler. On est bien d'accord ? Marché conclu. Toi. Vous êtes Valérie Solanas ? Si vous êtes quelqu'un d'autre que Marx, allez vous faire foutre ! Je suis pas Max, mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Comme quoi ? Vas-y, je t'écoute ! J'ai un peu d'herbe, et aussi du crack. Je pouvais pas le dire avant. Vas-y, entre. C'est quoi ton nom déjà ? Je vous l'ai pas encore dit. Vous êtes bien Valérie Solanas ? Non, plus personne m'appelle comme ça. Maintenant, je suis Onslow. C'est mon nouveau nom. Moi, c'est Sam. Je suis journaliste. Tu m'as dit que tu avais quelque chose pour moi. Ah oui, c'est vrai. Non, fais pas une place. Là. On pousse les fringues. Je voudrais faire une interview. Ouais, ouais. T'as un briquet, le mien m'a lâché. Oui. Voilà. J'enregistre alors. Nous sommes le 22 février 1987 à San Francisco, à l'hôtel Bristol, dans la chambre 420 qu'occupe Onslow, plus connu sous le nom de Valérie Solanas. Ons, savez-vous pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Parce que je suis l'auteur du meilleur texte de toute l'histoire. Oui. Pas seulement. Andy Warhol est mort ce matin. Aucune réaction, ça ne vous fait rien. Non. Rien du tout. Andy Warhol, je lui ai tiré dessus en 68. Le 3 juin 1968. J'ai tiré 3 coups, mais je l'ai manqué. Il n'est pas mort, mais la dernière balle a touché plusieurs organes. Il aurait pu y rester. Pourquoi avez-vous fait ça ? Parce qu'il avait pris le contrôle de ma vie. Il avait trop d'emprise sur moi. Les hommes font ça. Ils font que ça. Et l'artiste mâle ne vaut pas mieux que les autres. Pourtant, vous étiez proche. Vous avez même travaillé avec lui. Il vous a fait tourner dans I, a Man. Ouais. J'ai joué dans son foutu film pour 25 malheureux dollars. Il s'est senti obligé de m'offrir un rôle parce qu'il avait perdu le script de ma pièce Up Your Ass. Et qu'il se sentait tout merdeux. J'étais tellement dans la dèche que j'ai été obligée d'accepter. Andy est un rat. Je suis la seule chose valable dans son film minable. Mais cet enfoiré n'a pas voulu allonger 1 dollar de plus. Il avait très bien compris que j'étais beaucoup plus talentueuse que lui. Et il enviait mon talent. Il en avait peur. Les hommes ont peur du talent des femmes. Ils font tout pour donner l'illusion de nous être supérieurs, mais ils sont rien. Et ils le savent pertinemment. Andy avait bien compris que je lui étais supérieure en tout. À mes côtés, il n'était qu'un astre noir, éterne. Fallait qu'il me tienne à distance. Après le tournage, il faisait comme si que j'existais plus. Coupez ! Valérie ! Valérie, tu es formidable ! Si tu veux, je peux accentuer un petit peu plus mon accent. Non, Valérie, ne change rien, c'est parfait. On va en faire une dernière. Surtout, reste comme tu es, naturel. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Action. Voilà, c'est ici. Tu me fais entrer? Putain, mais qu'est-ce que je fous avec un pauvre type comme toi? Je sais pas. Je me suis dit qu'on pourrait bavarder un petit peu, fumer, boire un coup. Sérieusement, j'arrive pas à comprendre ce qui me motive. Mais c'est vrai, regarde-toi, t'es minable. Attends, tu me connais pas. Ah, mais voilà, je me souviens. Et ça a commencé dans l'ascenseur. Je t'avais ploté le cul. T'as un cul super moelleux. Mais comment tu fais pour avoir un cul aussi moelleux? T'as une machine pour le rendre aussi moelleux? C'est parce qu'on me l'a beaucoup malaxé. Et coupez! C'est la bonne! Merci à tous! Merci Valérie, t'as été géniale. C'est vrai Andy, ça t'a plu? Ça va être splendide. Oh parfait, c'est cool. Je suis contente. À ce sujet, tu pourrais pas me rallonger de $20? Tu sais, ce soir j'ai rendez-vous avec Girodias, mon éditeur. Je voulais lui faire lire Up Your Ass et j'ai plus qu'un seul exemplaire. Comme t'as perdu celui que je t'ai confié, je dois maintenant en imprimer un autre et je suis complètement à sec. Alors, est-ce que tu pourrais... Valérie, je suis désolé. J'ai absolument rien sur moi. Hey, Andy, viens vite. Il y a encore Iris qui pète un plomb, là. Il faut que tu t'en occupes. Je dois filer, mais merci Valérie, t'as été sensationnelle. D'accord, merci, mais attends. Voilà, j'arrive. Et qu'est-ce qu'elle a encore? Andy? Même pas $10? I have made big decision. Attrape-moi une bière dans le frigo. Tiens. L'argent. L'argent. Ça a toujours été le truc. C'est comme ça que les hommes nous tiennent. Avec l'argent, ils aiment à croire qu'ils nous dominent. Rien humainement ne justifie l'argent. Tous les travaux non créatifs auraient pu être automatisés depuis longtemps. Et dans un système sans argent, tout le monde aurait tout ce qu'il veut, et du meilleur. Les raisons qui maintiennent en place ce système fondé sur l'argent et le travail n'ont rien d'humain. Elles sont mal. Là-dessus, Warhol et Girodias m'ont bien entubé. Maurice Girodias, votre éditeur. Un voleur. Si j'avais été moins pauvre, j'aurais été plus vigilante. Je suis scum. Mais le jour où j'ai signé avec Girodias, j'ai baissé ma garde. Scum? C'est le mouvement que j'ai créé. L'association pour tailler les hommes en pièces. Dans la vie, il y a les scums. Il y a les nombreux autres. Et qu'est-ce qui différencie les scums des autres? Être scum, c'est être une femme. Quelques hommes peuvent éventuellement prétendre être des auxiliaires scums. Mais leur misère génétique ne peut absolument rien pour eux, les pauvres. Les scums, Ce sont des femmes qui se considèrent aptes à gouverner l'univers, qui ont bourlingué jusqu'aux limites de cette société et sont prêtes à se déchaîner bien au-delà. Les autres, ce sont les filles à papa. Gentilles, passives, consentantes, cultivées, subjuguées, dépendantes, apeurées, ternes, angoissées, avides d'approbation, déconcertées par l'inconnu, qui préfèrent sentir papa derrière et se reposer sur ses gros biceps, qui ont besoin de voir une grosse face poilue à la Maison Blanche, trop lâches pour regarder en face la hideuse réalité de l'homme. Elles sont dépourvues de jugement, d'imagination et d'humour. Celles-ci ne peuvent gagner la considération que dans une société masculine. Le soir où j'ai signé avec Gérodias, j'avais suivi les conseils d'Andy. J'avais mis une belle robe, mais je m'étais maquillée. Quand je suis arrivée au restaurant, l'autre Français, avec son beau costume et ses belles manières, il a dû se dire dans sa tête avec cette cruche du tout cuit. J'aurais pas dû jouer les filles à papa. Aucun homme ne prend ses femmes au sérieux. Et les femmes qui jouent à ce jeu deviennent trop connes pour éviter les pièges. Garçon, reservez-nous deux coupes, s'il vous plaît. Attends Maurice, que je comprenne bien. Si je signe là, tout de suite, tu me donnes $500 et ensuite 500 autres dollars pour que je te livre le texte. C'est aussi simple que ça? Oui, aussi simple que ça. Ben merde alors! Moi qui vends mes exemplaires de scum 1 dollar pièce dans la rue, mais... Signons tout de suite! Une minute, rassure-moi. T'as bien l'argent sur toi. Oui. Voici le chèque. Bien sûr, tu attendras le mois prochain pour un TC. Oui, oui. Valérie, je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble. Tu vas être la voix des femmes, d'un féminisme puissant et libérateur. Cette société si conventionnelle a besoin de cette nouvelle voix. Je sais. C'est pourquoi j'ai écrit SCUM, mon manifeste. Je suis déjà cette voix. Alors, trinquons que cette voix soit portée le plus haut possible. Je me suis mise à écrire un texte. J'avais déjà dépensé l'argent qu'il m'avait remis. Alors je continuais à vendre pour $1 dans la rue mon SCUM manifesto. Le livre le plus important de toute l'histoire. Ça n'avait aucun sens. J'ai relu le contrat que j'avais signé. Des phrases en tout petit caractère. Ce contrat, c'était le diable. Gérodias m'avait attachée. J'étais devenue sa pute. Contrainte d'écrire pour lui avec à peine 6% de droits. Et il pouvait tout me prendre. Mon SCUM manifesto et ma pièce Opulas. Il m'avait dépossédé de mes idées et de mon talent. Et cela, avec la complicité d'Andy qui s'est tout de suite rangé de son côté, trop heureux de me voir spolié. Il avait l'excuse parfaite pour ne pas me publier, ne pas monter ma pièce, ni faire un film à partir du manifeste. Vous dites qu'il s'agissait d'un complot ? Bien évidemment. Avec ce contrat, ils me tenaient tous les deux. Je n'étais plus rien. Je devais m'en libérer à tout prix. Le 3 juin 1968, à 9h, je me suis rendue au Chelsea Hotel. J'ai demandé après Gérodias, il n'était pas là. J'ai attendu longtemps, mais comme il n'arrivait pas, j'ai décidé d'aller m'occuper d'Andy. À la factory, Paul Morrissey a tout fait pour me faire partir avec sa morgue habituelle. Tout l'entourage d'Andy affichait ce même air méprisant quand il me voyait. Tous ces lèches-culs qu'Andy utilisait et jetait comme de vieux Kleenex selon son bon vouloir se croyaient les maîtres de New York. Je les entendais chuchoter « psychopathe, taré, peau folle ». Au départ, je voulais seulement du fric. Qu'Andy me dédommage pour tout ce qu'il m'avait pris. Maurice n'arrêtait pas de mentir. « Andy ne viendra pas aujourd'hui, ça sert à rien d'attendre » et blablabla. Il était si agaçant que j'ai fini par sortir. J'attendais sur Union Square, quand à 16h15, Andy est sorti de son taxi. Ah, Valérie, quelle surprise! Ça fait un bail! Allons à l'intérieur. Il fait si chaud aujourd'hui. Ah, j'étouffe. T'as pas chaud, Valérie, avec ce manteau? Regardez tout le monde. Valérie est de retour. Vous ne trouvez pas qu'elle est resplendissante aujourd'hui? Regardez. Elle s'est même maquillée. Ouais, très jolie. Et comme Paul le lui a dit tout à l'heure, nous avons du travail. Alors il vaut mieux qu'elle ne prenne pas ici si elle veut pas qu'on la chasse à coups de pied au cul. Salut, Viva. Comment se passent les essayages? Eh, hey, Valérie, t'écris toujours ces vilains livres. Ouais, là, c'est très bien. Une perruque blonde, ce serait parfait comme ça. Andy, elle enflamme! Valérie, non, non, fais pas ça! Valérie, non, non! Je dois le faire. Non, Valérie, je suis innocente. Gère ta fesse, s'il te plaît, va-t'en. Flingue! Valérie, l'ascenseur est là. Je t'en prie, prends-le, va-t'en. Monsieur l'agent, tenez, prenez mon arme. Je suis recherchée par la police. Je viens de tirer sur Andy Warhol. J'avais pas d'autre choix. Il avait pris le contrôle de ma vie. Tenez, prenez mon arme. Nous sommes devant le tribunal de New York. Valérie Solanas, qui a plaidé coupable, a été déclarée mentalement instable. Elle purgera sa peine de 3 ans dans l'unité psychiatrique de la prison Elmhurst, dans le Queens. La voici. Valérie! Valérie! Une question, s'il vous plaît! Pourquoi avez-vous tiré sur Andy Warhol? Valérie! Valérie, s'il vous plaît! Lisez mon manifeste! Il vous dira qui je suis! Il faut que je change la bande. Quelle bande? Mais qu'est-ce que tu fais? J'enregistre mon interview. Quelle interview? Mais non, non, non, je veux pas d'interview! Non, mais rendez-moi mon magnétophone. On avait un accord. Mais quel accord? Je vous ai filé mon crack et en échange de l'interview. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Je sais ce que tu veux. Parce qu'Andy est mort, tu crois pouvoir me voler les droits de mon texte et les publier à ton compte? Quoi? Mais je suis pas éditeur. Je suis journaliste. Je souhaite publier cet article, votre interview, pour vous redonner la parole. Me redonner la parole? Mais pour qui tu te prends, petit merdeux? Mais j'ai besoin de personne pour prendre la parole, et encore moins d'un petit homme comme toi. Je vais la brûler, cette bande. Et si tu t'avises de faire le moindre article, je te ferai la peau. Non, attendez, attendez. On peut trouver un arrangement. J'ai de l'argent. $500. Je vois bien que vous vivez avec peu et... Cet argent, je vous le donne, en échange de la bande et de la publication de l'article. L'argent. Encore l'argent. Toujours l'argent. Ouais, je vis avec peu. Je vis des aides sociales et de la prostitution. Des hommes inaptes qu'ils sont à donner de l'amour et de l'affection payent pour venir se vider entre mes cuisses. Les hommes dépensent de l'argent en pensant manipuler leur monde, en pensant y gagner quelque chose. J'ai refusé 1000 fois des propositions, des contrats en millions de dollars pour de nouveaux textes. Et tu crois que je vais me laisser corrompre pour un petit article de rien du tout? Je préfère faire la pute et me droguer avec l'argent de ces messieurs. Tout est écrit dans mon manifeste. Relis-le. J'ai rien d'autre à dire. Non, non, ne brûlez pas la bande. Non, non, qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais... pourquoi vous avez fait ça? Cet article nous aurait sauvés. On y aurait gagné tous les deux. J'ai pas besoin d'être sauvée par un homme. Ce qui pourra libérer les femmes de l'emprise masculine, ce sera la destruction totale du système fondé sur l'argent et le travail, et non l'égalité économique à l'intérieur du système. L'homme ne change que quand il y est obligé par le progrès technique, quand il n'a pas le choix. Quand la société arrive au point où il doit changer ou mourir. Nous en sommes là. Si les femmes ne se remuent pas le cul en vitesse, nous allons tous crever. Valérie Solanas, Tailler les hommes en pièces, de Julien Barazer. Avec Cécile Arnaud, Valérie Solanas. Martin Amic, Sam. Jean-Luc Debatisse, Jim. Quentin Bayot, Andy Warhol. Maxime Dambrun, Tom Baker. Pierre Puy, Maurice Girodias. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan, Déborah Dagobert. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your store when you open the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. So the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. Still exists, yes, for those who think it still exists, maybe I'm wrong. And maybe you're right, maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe you're right, maybe I'm wrong, and just maybe you're right. Affaires sensibles, la fiction. On pourrait refaire une analyse en prenant 68 comme point de basculement, l'attentat de Solanas comme point de basculement, et considérer qu'il y a un avant et un après. L'après est caractérisé par une capacité à montrer les objets de sa religion. Je vous rappelle qu'il y a une double série, parce qu'elle date de la même année, une série de crucifix et une série d'œufs. Les œufs de Pâques qui relèvent de la tradition orthodoxe. Donc, il a plus de facilité à s'attaquer à des sujets explicitement religieux après 68. Warhol a choisi de maquiller ou de masquer le ressort profond de sa créativité, de son œuvre de peintre. En particulier, le rapport aux icônes de son enfance s'est vu transfiguré, si vous voulez, depuis les produits de l'industrie culturelle. Les stars d'Hollywood, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor et tant d'autres. Si vous faites le portrait de la Vierge en 1960 ou en 1980, ça ne parle plus à beaucoup de monde. Et en revanche, si vous prenez l'actrice la plus fascinante, qui est Marilyn Monroe, qui facilite le rapport du public à cette image, et en même temps vous injectez dans cette image des connotations plus secrètes, qui pourtant habite cette image. C'est fondamentalement une adhésion de la part de Warhol au dogme de l'incarnation et un questionnement sur ce que signifie la possibilité même de représenter un être humain en peinture. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Valérie Solanas, Tailler les hommes en pièces. Notre invité, Jacqueline Coe, psychanalyste, écrivaine, cinéaste, qui a collaboré à l'ouvrage collectif intitulé Andy Warhol géant. Bonjour Jacqueline Coe. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, écrivain. Écrivain ou écrivaine, vous dites quoi, vous? Écrivaine. Bien. Cinéaste et artiste, spécialiste des États-Unis, vous avez publié des livres d'entretien avec des artistes, disons atypiques, de la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez participé à l'organisation de plusieurs festivals de musique d'aujourd'hui, réalisé des émissions de recherche pour France Culture, des courts-métrages expérimentaux et des films musicaux. Et puis, vous avez collaboré à l'ouvrage collectif intitulé Andy Warhol, géant. Voilà, nous allons essayer au cours de cet entretien de comprendre les liens possibles, mais aussi les deux parcours qui se rejoignent au moment de la tentative d'assassinat, ces deux trajectoires surprenantes de Valérie Solanas d'un côté, Andy Warhol de l'autre, jusqu'à cette rencontre dramatique. Avant d'analyser ce qui a conduit cette femme à vouloir tuer l'artiste, revenons sur la vie de Solanas et de son livre brûlot, Scum Manifesto. Que nous dit-elle? Que veut-elle? Qui était-elle? Eh bien, je pense que c'est le résultat, on ne peut pas l'ignorer, de son enfance, qui est vraiment très directement mis en mots, mis en livres, mis en... Voilà, puisqu'elle assure qu'elle a été violée par son beau-père. Elle a été ensuite éduquée par, pris en charge, si on peut dire, par son grand-père, qui était aussi quelqu'un d'alcoolique, de très très violent, dont on peut peut-être imaginer qu'il a aussi eu des comportements abusifs à son égard, en tout cas qu'il l'abandonne à 15 ans. Donc à 15 ans, elle se retrouve livrée à elle-même, elle se retrouve sans ressources, voilà. Elle se prostitue, elle commence alors dès lors à se prostituer, elle a un enfant alors qu'elle a 17 ans, et en même temps elle s'inscrit tout de même en faculté, en psychologie, et elle obtient son diplôme. Donc c'est un parcours, on ne peut plus compliqué, un peu plus douloureux, un peu plus difficile, mais tout de même, au départ, un parcours de lutte. Mmh. C'est vraiment quelqu'un qui veut, voilà. Mais j'imagine cette jeune fille, toute jeune fille, ce que ça pouvait être de rencontrer ces hommes et de devoir se soumettre à leurs fantasmes, alors qu'elle, elle a pour but de sortir de cette douleur, de cette difficulté économique et de faire autre chose. Et elle a aussi le désir d'écrire très très vite. Alors on comprend effectivement, vu son parcours, son enfance, tout ce que vous avez raconté, ce regard conflictuel vis-à-vis des hommes, méfiant, douloureux, bien sûr, mais ça va quand même très loin, puisque son manifeste Scum, Society for Cutting Up Men, je rappelle sa traduction, association pour castrer les hommes ou les tailler en pièces. Alors, j'imagine qu'il y a du deuxième degré. Est-ce qu'il y a tant du deuxième degré que ça? Parce que ça va loin, quand même. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment tant de deuxième degré. Alors, enfin, peut-être il y avait quand même le désir chez elle d'écrire un brûlot, d'écrire quelque chose qui la fasse remarquer. Oui. Qui soit quelque chose qui pose des limites très si out of border, enfin de l'autre côté de la frontière, qu'en effet il y avait quand même le désir de choquer. Hein, c'est un petit peu ce que Houellebecq a remarqué lorsqu'il a écrit sur elle, en disant qu'elle était tout de même étonnante, puisque bien avant les particules élémentaires, elle avait souligné quelque chose de l'ordre du cynisme, de l'ordre voilà, et même éventuellement des rapports étrangement biologiques. Enfin, Houellebecq va très très loin dans les particules élémentaires. Je pense qu'en effet, il y avait cette volonté-là chez elle d'attirer le regard. Voilà. Et pour cela, très vite, en effet, dès 67, quand elle arrive à New York, où est-ce qu'elle va? Elle va à la Factory. Mais la Factory, c'était en effet un lieu qui recueillait un peu tous les marginaux la ville à l'époque. Donc, on peut imaginer qu'elle pouvait se sentir au moins en connivence avec quelques personnalités qui se trouvaient là. D'accord, mais par rapport à son féminisme, est-ce que c'est pas une passionnariat inutile et dangereuse? Parce que le féminisme, ben pour moi, c'est le combat de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie intime, familiale, sociale, économique. C'est pas l'élimination des hommes. Non. Bien évidemment, mais ce qu'on ne peut pas savoir exactement, parce qu'il aurait fallu la connaître à l'époque, c'est à mon humble avis, certainement une propension et des dispositions de l'ordre de la paranoïa, de l'ordre de la psychose, et son enfance pourrait éventuellement nous faire penser qu'elle a été très vite dans ce registre-là, même si en fait ça n'a été réellement nommé qu'après l'attentat contre Andy Warhol, mais certainement c'était là, et c'était là très tôt, probablement en effet une psychose adolescente, ou peut-être même une psychose infantile, qui fait qu'elle est aussi dans un proto-monde. Elle est dans son monde à elle, qu'elle forge et qu'elle essaye de construire pour se tenir. On sait bien qu'à ce moment-là, chacun, surtout quand on est dans des difficultés psychiques de cet ordre, va essayer de créer ses étais pour arriver à tenir. Et je pense que ses écrits en faisaient partie. C'est-à-dire, elle pouvait exprimer là quelque chose de sa violence, quelque chose de sa révolte, quelque chose de sa douleur. Mais avait-elle conscience quand même que le combat féministe, cette façon de l'aborder, pouvait être contre-productif? Non, puisqu'elle imaginait qu'elle était en train d'écrire le livre le plus important du monde. Ben oui. Bon, alors ce livre écrit en 67, je rappelle, est édité en août 68 par Maurice Girodias, après que Valérie Solanas a essayé de tuer Andy Warhol, et elle avait envisagé dans un premier temps de tuer son éditeur, d'une Absolument. Manière, une obsession, et de plus Andy Warhol, qu'elle connaissait puisqu'ils avaient travaillé ensemble, avait lui-même échappé déjà à un attentat. Alors tout ça est un peu compliqué, mystérieux, ces deux parcours parallèles qui se rejoignent, mais dans le drame, expliquez-nous tout ça. Ben, on ne peut pas... Bon, il y a cette rencontre... Déjà, qu'est-ce que représentait Warhol pour elle déjà? Ben, pour elle, il a représenté quelqu'un qui avait un pouvoir psychique et un pouvoir intellectuel insupportable. C'est-à-dire qu'en effet, c'était un homme, déjà, c'était déjà pas... Circonstance aggravante. C'est une circonstance très très grave, en effet. Mais par ailleurs, c'était quelqu'un qui avait à la fois des grandes fragilités, et on en parlera peut-être tout à l'heure, ouais. Et c'est en ça qu'il est fascinant. Mmh. C'est comment, avec ces fragilités auxquelles il a dû se confronter aussi dans l'enfance, il a réussi à bâtir cette personnalité et cet art et cette façon de concevoir l'art qui fait qu'il est devenu une icône des temps modernes. Et pas elle. Pas elle. Et justement, non, c'est peut-être sûr, là le problème elle. Aussi. Je sais même pas si c'est... Bon, je pense qu'en effet, comme elle a travaillé avec lui dans des petits rôles mineurs dans deux de ses films, j'imagine qu'elle a pensé qu'elle allait être aussi importante que voilà. Viva, être aussi importante que ces femmes merveilleuses qui étaient autour de lui. Or, je pense pas que Andy Warhol l'ait jamais pris vraiment très au sérieux. Et ça, elle a dû évidemment l'éprouver très très fortement. Et elle a, ce qu'elle a dit lorsqu'elle a eu tiré sur lui, c'est « il avait trop d'emprise sur ma vie et par ailleurs, il m'avait volé mon œuvre ». Voilà, parce qu'elle lui avait réclamé le document que Andy avait égaré, bien entendu, ce qui prouvait aussi à quel point il le prenait pas au sérieux. Ah oui. Et ce document a été retrouvé dans des équipements de lumière pour films, etc. Mais très très longtemps après, elle lui avait aussi demandé de l'argent, ce qu'il n'avait pas non plus donné, donc il se refusait à elle sur tous les plans. Et cette personnalité qu'avait Andy, qui était vraiment plutôt de l'ordre de l'observation que de la participation ou de l'échange. C'était vraiment quelqu'un qui était un entomologiste. C'était ça, quoi. On va en parler de lui. Alors, on va se retrouver dans 3 minutes pour parler justement d'Andy Warhol. Juste une petite réflexion. Cette histoire me rappelle aussi celle de David Chapman, l'assassin de Lennon. Il n'y avait pas deux places pour le même rêve. En gros, oui, c'était ça. Absolument. Sauf que malheureusement... Après, il y a beaucoup de différences, bien voilà, sûr. Voilà, il y a quand même un monde. Bien sûr. On se retrouve dans 3 minutes et on va parler de Andy Warhol maintenant. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, let's a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. We'll be right back. Jacqueline Coe, on se retrouve pour parler de Valérie Solanas et d'Andy Warhol. On va surtout parler d'Andy Warhol maintenant, parce que c'est une icône en 68, il est très connu. Alors il a ouvert ce lieu mythique que vous avez cité, la Factory à New York. Qui est ce personnage derrière sa perruque platine et cette désinvolture affichée? D'ailleurs, dans son livre intitulé Andy Warhol, Myriam Qureshi a ces mots pour le décrire. Elle dit, c'est plus qu'un modèle, un mythe, c'est un nouveau Prométhée. Oui, on peut parler de ça, et je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur ce qu'il a dit après cet attentat, puisqu'il n'a pas porté plainte, ce qui est quand même absolument très important, et il a dit quelque chose qui était « on ne sait jamais à quel point on peut blesser quelqu'un ». Qui était de l'ordre du remords presque, enfin, ou de l'ordre d'une notion du remords. Ça exprime ça. Oui. Voilà, et ça, je trouve ça... En effet, ça situe Warhol du côté religieux aussi, puisque cette dimension-là était très très très importante chez lui. On a bien entendu expliquer dans l'archive. Absolument. Et on ne sait pas, par exemple, que on l'a su plus tard, certains des amis proches me l'ont confirmé, par exemple, qu'Andy Warhol allait régulièrement à l'église, allait donner de l'argent pour les pauvres, allait servir la soupe. Alors, je ne sais pas si c'était dans des boîtes Campbell ou pas, et si c'était avec sa perruque platine ou pas, mais il allait servir la soupe aux miséreux de son quartier. Il l'a toujours fait ? Toujours, toujours. Et son enfance est quelque chose de tout à fait invraisemblable et romanesque au point de, enfin, du point de vue de la douleur, puisqu'en effet, il a été très vite moqué par ses petits camarades, parce qu'il était affligé de ce qu'on appelle maintenant la danse de Saint-Guy, c'est-à-dire qu'il avait des gestes, des tremblements du visage, des tremblements des mains. Il ne supportait pas d'être extrait du giron de sa mère, avec qui quand même il a vécu jusqu'à la fin, et elle a partagé son lieu avec lui, même si personne ne la voyait, elle était là. Ils ont partagé des travaux ensemble, elle a fait des lettres, des calligraphies pour le disque du Velvet Underground, par exemple. Donc, il y avait une très, très grande proximité avec elle. C'est une sorte d'enfance perpétuelle chez l'adulte, d'être avec sa mère et de vivre avec sa mère et travailler avec, sans qu'on la voie. C'est presque une identification, moi, je dirais, parce que j'ai toujours eu la sensation que cette perruque que Andy Warhol portait, c'était les cheveux de sa mère, parce que quand sa mère l'a eue, elle avait 36 ans et elle avait déjà les cheveux gris. Donc la mémoire que cet enfant a eue de sa mère, dès qu'il a commencé à la distinguer, c'était une masse de cheveux gris qui peut-être l'a induit et l'a conduit à emporter lui-même. En plus, bon, c'était après la grande crise, il est né en 28, donc c'était la grande crise, après ils étaient quand même pauvres. Et à ce moment-là, pour gagner un peu d'argent, sa mère le nourrissait avec les soupes Campbell, en effet. Il gardait ses boîtes de soupe, ils faisaient ensemble des fleurs en papier crépon et ils allaient les vendre pour gagner quelques sous sur les marchés. Donc c'est quand même quelque chose qu'on va retrouver plus tard. Le Coca-Cola, ça aussi c'est quelque chose qu'il buvait beaucoup et ça c'était très beau parce qu'il disait mais c'est la boisson la plus démocratique qui soit. Le président des États-Unis boit du Coca-Cola, il le paye 2 $. Je prends du Coca-Cola avec ma mère, je le paye aussi 2 $. Ensuite donc il est très fréquemment malade, il ne peut pas aller à l'école, il se fait beaucoup moquer parce qu'on le trouve très laid. Et cette perruque, c'était aussi une façon, au moins, de se faire remarquer, c'est-à-dire de sublimer presque cette laideur du visage, enfin, que lui vivait d'ailleurs comme tel. Donc, il est très malade, il passe beaucoup de temps couché, il a à ce moment-là une poupée ventriloque, et moi, ça, c'est quelque chose qui est symptomatique, emblématique d'Andy Warhol. Qu'est-ce que c'est que cette solitude, et qu'est-ce qu'on fait parler à travers cette poupée? Ensuite, il pense qu'en effet, il a quand même des rapports un peu difficiles avec les autres. Il va voir un psychiatre qui lui dit, ben, je vais vous rappeler, il le rappelle pas. Et lui, à ce moment-là, il achète une télévision. Et la télévision, il la branche et il la fait marcher 24 heures sur 24 chez lui. Il place quoi? Il place un écran entre lui et les autres. Et qu'est-ce qu'on a à la Factory? C'est ce même grouillement 24 heures sur 24 de personnages comme qui sont là. Comme une télé allumée 24 heures sur 24. Voilà. Comme la télé était allumée 24 heures sur 24. Et cette espèce de protection que cet univers-là lui apporte, au milieu duquel lui, il travaille. Parce qu'il travaille beaucoup. Ouais. C'est un homme qui travaille beaucoup. Et quand on regarde les photos d'Andy, on le voit avec des sockets sur ses... Voilà, avec une chemise à carreaux, un espèce de tablier pour le pour se protéger des projections. C'est un homme qui travaille, mais c'est un homme qui observe. C'est pas un homme qui va forcément fraterniser, qui va forcément se confier, qui va, non, pas du tout. C'est vraiment, et ça, il l'a dit dans ma philosophie de A à Z. Mmh. J'ai compris très vite qu'on était beaucoup plus fort en ne parlant pas. Alors, il sortira de justesse de cet attentat perpétré par Valéry Solanas. Il restera handicapé à vie. Est-ce que ça a changé son art, son rapport aux autres et son être ? Oui, radicalement. D'abord, il change de lieu, c'est-à-dire qu'il quitte cette factory, la première, et il s'installe 38 Union Street, où là, on filtre les personnes qui rentrent. Bien sûr, ça c'est... Et comme il le dit, je ne me suis plus jamais autant amusé. Bien C'était sûr. Terminé. Cette espèce c'est la fin, de c'est la chaos. Fin, la fin de l'insouciance, la fin c'est de la fin de l'insouciance et la fin de l'enfance. La fin de l'enfance, c'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, en effet, il va devenir peut-être encore plus un peintre de la Renaissance que jamais, puisqu'il va se lancer dans la série des portraits. Il va faire de plus en plus de portraits. C'est sa Renaissance à lui. C'est sa Renaissance à lui. Mmh, c'est une ça. Manière d'être, de faire sa Renaissance. Et il va faire des portraits qu'il va vendre c'était pas cher à l'époque, mais ça l'était pour certains, mais 25 000 $. Le deuxième, vous l'aviez pour 15 000 $. Voilà, maintenant, bon, ça vaut des fortunes. Mais en effet, il y a quelque chose de cet ordre qui s'installe et qui, où il fait aussi quelque chose qui a plus à voir avec la mort. Il est quand même très, très concerné par ça. Il fait des tableaux, par exemple, des têtes de mort avec des ombres. Voilà, et on aperçoit dans les ombres quelque chose qui rappelle la scène. Voilà, on a tous ces thèmes religieux qui, à nouveau, réapparaissent, sont là, sont très, très puissants. Et il a aussi cette formule qui est incroyable, parce qu'il a ouvert la boîte de Pandore, quand même, de cet art dans lequel nous sommes maintenant, Duchamp avant et lui après. Mais ils ont quand même fait ça tous les deux. C'est vrai, il a dit, j'ai commencé en étant un peintre commercial, je vais terminer en étant un peintre vraiment industriel. Voilà, c'est-à-dire que là, on passe du côté de l'industrie. Bon, dernière question, Jacqueline Co. Dans son livre La faculté des rêves, l'écrivaine suédoise Sara Strindberg écrit, parce que là je reviens à Valéry Solanas et à Andy Warhol, puisque c'était le thème de notre fiction, ce sera notre dernière question. Elle écrit, l'écrivaine suédoise, ils se ressemblent en fait, mi-homme, mi-femme, refusant tous les deux l'idée d'art et d'artiste. Elle avait un regard de laser sur toute chose, comme lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Bon. Dommage, c'est une conclusion intéressante, sympathique, ça vous plaît bien la chose. Eh ben non, parce raté. Que en plus il y a quelque chose quand même autour de la sexualité qu'elle a vécue elle, oui. De façon certainement très douloureuse et qu'il a lui vraiment évité, je pense. Enfin, évidemment, nous n'étions pas dans son intimité, mais quand même, lorsqu'il dit, il faut pas aller voir Blanche-Neige et les Sept Nains avant 40 ans, parce qu'il faut avoir compris déjà depuis longtemps l'inanité et l'absurdité de ce qu'est l'activité sexuelle. Donc c'est quand même quelque chose de très fort, hein. Cendrillon et les Sept Nains, etc. C'était des références. Enfin, parce que Walt Disney était un univers qui avait beaucoup compté pour lui, comme Shirley Temple, comme tout ça. Donc il y avait quelque chose de cette enfance et des premières icônes du cinéma qui étaient aussi très très présents dans son travail. C'est pour ça que moi je n'arrive pas à faire de lien avec elle. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a eu ce que Lou Reed a fait tout de suite après la mort. D'ailleurs, il a enregistré un morceau qui s'appelle Cinderella. Voilà, ce mélange entre Cendrillon et Dracula. Merci infiniment, Jacqueline Co. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Valéry Solanas, Tailler les hommes en pièces, une fiction écrite par Julien Varazer, réalisée par Michel Sidorov et Anne Mureau. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Maxime Ingrand et Vincent Godard.